Au chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une si grande foule s'assembla autour de lui qu'il monta dans une barque et s'y assit. La foule se tenait au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses au moyen de paraboles et leur disait: Un homme sortit pour semer. Comme il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent, parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit. Les uns produisirent 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta: Écoutez bien si vous avez des oreilles. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent: Pourquoi leur parles-tu au moyen de paraboles? Il leur répondit: Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe en ces mots: Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car l'esprit de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas, et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare. En vérité, beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont semblables au bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrachent ce qui était semé dans leur cœur. D'autres ressemblent au terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Aussi, quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils abandonnent immédiatement la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole. Mais les soucis de la vie de ce monde et le plaisir trompeur de la richesse étouffent la parole qui ne produit rien. D'autres hommes, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire: Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ, d'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent alors: Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai aux ouvriers moissonneurs: Enlevez d'abord la mauvaise herbe, et liez-la en bottes pour la brûler. puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Jésus dit tout cela aux foules au moyen de paraboles. Il ne leur parlait pas sans employer de paraboles. Il agissait ainsi afin que se réalise cette parole du prophète. « Je leur parlerai au moyen de paraboles, je leur annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. » Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces mots « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise, où ils pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache à nouveau. Il est si joyeux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble aussi à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble aussi à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'asseyent pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent à l'eau ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là qu'ils pleureront et grinceront des dents. « Avez-vous compris tout cela ?» leur demanda Jésus. « Oui, » répondirent-ils. Il leur dit alors, « Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans la ville où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit, et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Elles disaient, « D'où a-t-il cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir ?» Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. » Jésus n'accomplit là que peu de miracles, à cause de